رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. La personne il posa la question au prophète صلى الله عليه وسلم, il dit informe-moi sur l'heure du jugement dernier. فأخبرني عن الساعة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a répondu, il dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Dans une autre version, le prophète صلى الله عليه وسلم baissa la tête jusqu'à ce qu'il lui répéta la question trois fois. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Donc, leçon à retenir, si le savant ne connaît pas la réponse, il dit je ne sais pas et ne doit pas s'efforcer. Il ne doit pas s'efforcer pour répondre. D'accord ? Il dit je ne sais pas. Et celui qui dit je ne sais pas, ça, il a donné le fatwa. وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَدْ أَفْتَى. Et ceci ne fait pas baisser le rang, ne fait rien baisser du rang du savant, comme une histoire de l'imam Malik, quand une personne, des gens ont posé 40 questions à l'imam Malik, il a répondu à 4 questions, et les 36, il n'a pas, il a dit « je ne sais pas ». Il dit, la personne, il a dit « tu dis « je ne sais pas », tu es l'imam Malik ». Il dit « oui ». Il dit, sort maintenant, il dit à tout le monde que l'imam Malik, on lui a posé 40 questions et il a dit, je ne sais pas pour 36, il a répondu à 4 questions. Et Ibn Qudama, le Maqdisi, rahimahullah, il a dit, ceci ne baisse en rien le rang du grand imam Malik, rahimahullah. Et il ne le fait pas descendre du rang des mujtahidin, des rangs des degrés supérieurs aux savants, mujtahid. Donc, ça c'est une leçon à retenir. Et il y a autre chose. Si Jibril sait que seul Allah connaît l'heure, pourquoi il a posé cette question? Jibril, il sait que seul Allah connaît l'avenir de l'heure. Pourquoi il a posé? Il a posé cette question pour que les gens s'abstiennent de la poser. Parce que les compagnons, les gens posaient souvent cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure c'est quand? L'heure c'est quand? Et là, il a posé pour barrer ou pour enlever à la racine le fait de poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette question se distingue des autres. Les autres questions, c'est pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent les réponses, les saisissent et les transmettent. Et cette question, c'est pour qu'ils ne la posent plus. D'accord? Et là, Jibril, la personne, il a posé la question, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'heure, seul Allah connaît l'heure, l'ilm, l'ilm, sa'a, il dit, Jibril l'a dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Dans la version de Bukhari, il dit, خَمْسُ اللَّهِ عَلَمُونَ إِلَّا اللَّهِ, les 5 clés de l'ghaïb, de l'invisible, seul Allah les connaît. Allah, c'est Allah qui appartient à l'heure, c'est lui qui fait pleuvoir, et c'est lui qui sait ce qui est dans les matrices, et aucune âme ne sait ce qu'il acquerra demain, et aucune âme ne sait où est-ce qu'il va mourir. Dans la version de Bukhari, ça. Donc les signes de l'heure. Il a dit, informe-moi sur ces signes, les signes précurseurs de la venue de l'heure. Que ces signes, s'ils apparaissent, ça veut dire que l'heure, le jour du jugement, le jour de la résurrection, il s'approche. Il y a des signes qui sont habituels et des signes qui sont inhabituels. Les signes habituels, c'est les petits signes qui sont apparus. Beaucoup de richesses, les femmes ni nues ni habillées, dont les cheveux ressemblent à des bosses de chameau, comme nous a décrit le prophète sallam, ça c'est déjà, on l'a vu, dans nos propres yeux. Les grandes constructions, les hommes avec des fouets frappant les gens, ça on l'a vu. La concurrence dans les décorations des mosquées, et ça on l'a vu. Et d'autres. Les grands signes, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, la descente de Isa alayhi salam, Jésus, en tant que serviteur d'Allah et non pas en tant que prophète, et qui va suivre la législation de l'islam, et il va faire la prière derrière, le Mahdi, le soleil qui se lève de l'Occident. Certains sont évoqués dans le Coran, d'autres sont évoqués dans la Sunna. Preuve dans le Coran, comme quoi d'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces signes-là, il dit يَوْمَ يَأْتِ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. La sourate Al-An'am, la sourate 6, le verset 158. Ça veut dire le jour où le soleil se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce signe-là, le jour où certains signes, il a expliqué le terme certains signes et par le fait que le soleil va se lever de l'Occident. D'accord ? Le jour où le soleil se lève de l'Occident, le repentir, la porte du repentir est fermée. Place. Les cœurs seront scellés selon ce qu'ils ont acquis. Et c'est à prendre au sens propre. Le soleil se lève de l'Occident, ça veut dire qu'il va se lever réellement. Comme veut Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme prétendent certains, il explique le soleil par la civilisation, parce que l'islam va apparaître du côté de l'Europe ou de l'Occident. C'est ça l'explication du hadith. Le hadith, il est propre, il est à prendre au sens propre. Al-haqiqa. D'accord ? C'est ça la base des gens de la sunna. Le texte dans le Coran de la sunna, des hadiths, on le prend en vérité, on le prend comme il est. Le sens apparent d'abord. D'accord ? Donc il va vraiment se lever de l'Occident. Comme veut Allah subhanahu wa ta'ala. Grand changement de l'univers, Allah il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc, amaratiha, les signes. Donc informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Il a dit, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Ça c'est un signe de l'approche de l'heure. D'accord. Comment la femme elle donnera naissance à sa propre maîtresse? Là, les savants ont donné différentes explications. Il y a la première explication comme quoi l'islam va se répandre, expansion de l'islam, les musulmans vont conquérir les pays des mécréants et vont prendre en captivité les femmes des koufars, et vont les prendre en captivité. Et le maître musulman va avoir des rapports avec son esclave. Il lui appartient et c'est son droit. En islam, c'est son droit. D'accord ? Et ils vont donner des enfants. Et les enfants vont être libres. Ils ne sont pas esclaves. D'accord ? Ça veut dire que l'esclave va donner naissance à la fille qui est sa maîtresse ou à ses maîtres. Ses enfants vont être libres et elle est esclave. D'accord ? Mais Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui expliquait ce hadith, le hadith qui se trouve dans le Bukhari, il a dit « Cet avis n'est pas satisfaisant. Il n'est pas fort parce que ceci s'est passé à la première époque. » Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça a eu lieu ça. D'accord ? Ghazwat Bani al-Mustaliq, et même les compagnons ont pris des esclaves. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu ce genre de... Il y a eu lieu la prise en captivité des femmes, etc. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu ça avec les compagnons. D'accord. Alors il a dit que le style du dialogue, le style du hadith, il sous-entend des signes qui ne vont avoir lieu qu'à l'approche de l'heure. Regardez la déduction du grand savant. Il dit ça, à quoi ça sert que le prophète sallam n'en parle alors que c'est des signes qui annoncent l'approche de l'heure. Donc c'est des signes qui vont être ultérieurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit que cet argument, cet avis et cette explication n'est pas solide. Donc ça concernant une des explications. La deuxième, c'est concernant aussi l'expansion de l'islam et la prise en captivité des femmes au point il y aura sabi, ce qu'on appelle sabi, où l'homme, le musulman, le mujahid, il prend des femmes qui seront ses esclaves. Et certaines femmes vont être libérées, d'autres non, au point que la fille... Il se peut qu'elle soit libre et qu'elle achète sa propre mère sans qu'elle s'en rende compte. D'accord ? Il y aura beaucoup de jihad, il y aura de l'expansion de l'islam, beaucoup de femmes prises en captivité, certaines libérées, d'autres non, au point que la fille qui est libre va acheter une esclave et il va s'avérer que c'est sa mère. Et il va être la maîtresse de sa mère. D'accord? Et ça a eu lieu durant l'histoire de l'islam. Ça, c'est une deuxième explication. La troisième, c'est que les esclaves vont donner naissance à des rois. Et ceci s'est passé dans l'histoire. L'histoire à l'époque des Omeyyades, des Abbasides, les Mamelouks. Les Mamelouks, c'était fils d'esclaves. Ceux qui régnaient en Égypte, les rois, c'était des fils d'esclaves, les Mamelouks. Et ça a eu lieu à l'époque des Omeyyades, des Abbasides. Le Ma'moun, par exemple, le Ma'moun Abbaside, sa mère est une esclave. Il s'appelle Marajim. Déjà, c'est ce qui a poussé son père, le père de le Ma'moun, à choisir l'Amin. L'Amin pour remplaçant. Parce que l'Amin, il est fils de Zubayda. Et Zubayda, c'est une arabe pure. Et ça, c'est ça qui a créé le conflit entre le Ma'moun et son frère jusqu'à le détrôner et prendre le pouvoir. Donc le Ma'moun, c'est un fils d'une esclave. Autre explication, les femmes non arabes, les Ajim, vont donner naissance à des arabes. Ça veut dire? On sait que les Arabes sont les maîtres spirituels des non-Arabes. Hein? Et ça existe même de Wali, ce qu'on appelle Wali al-Ni'ma. Parce que c'est les Arabes qui ont propagé l'islam en premier. Et c'est les Arabes, ce sont les Arabes qui ont fait rentrer les non-Arabes en islam. D'accord? C'est les Arabes qui ont fait rentrer les non-Arabes en islam. Et donc, ils se sont considérés comme les maîtres spirituels des autres. Les Arabes sont considérés comme les maîtres spirituels des autres, des non-Arabes. Hein? C'est ce qu'on appelle « Wali al-Ni'ma » en arabe. D'accord? Donc, les Arabes là, les musulmans bien sûr, pas les musulmans vont se marier avec les femmes non-Arabes et les femmes non-Arabes vont donner naissance à des Arabes qui seront leurs maîtres. D'accord? Ça veut dire que la femme, le maître qui est arabe va se marier avec une ajami, une perse, une romaine ou d'autres. Et ils vont donner naissance à un enfant et l'enfant va être arabe. Et puisque les arabes sont les maîtres spirituels, il va être le maître ou si c'est la fille, il va être la maîtresse de sa mère. Et ceci a eu lieu quand les musulmans ont conquis les Perses et les Romains. Et il y a même l'histoire des trois compagnons, radiallahu anhum, tels que les trois compagnons Abdullah ibn Omar et Mohammed ibn Abi Bakr. Et aussi le fils de Hussein, Hussein ibn Ali. Hussein ibn Ali, ibn Omar et le fils d'Abu Bakr. Ils ont conquis les Perses. Et ils sont mariés avec les filles de Yazdajard, l'un des rois des Perses. Chacun a pris une femme, il s'est marié avec elle. Et la première, il a donné naissance au fils d'Ibn Abi Bakr, au fils d'Abu Bakr. Et ce fut l'un des grands savants de Médine. La deuxième, il a donné naissance à Salim ibn Abdillah ibn Omar, l'un des sept plus grands savants de Médine. Et la troisième, il a donné naissance à Zine al-Abidin ibn al-Hussein ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Et c'est l'un des grands savants, l'un des grands tabi'in, l'un des grands savants de Médine. Donc c'est trois a'ajim, trois non-arabes, ils ont donné naissance à des arabes et à des vrais, à des grands savants. Et avant, les arabes, ils refusaient de se marier avec les non-arabes. Jusqu'à ce qu'ils ont vu que des ajim, des non-arabes, ont donné naissance à des grands savants. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à se marier avec des étrangères. Ça, c'est l'une des explications. Et il y a l'explication qu'a choisi Ibn Hajar, et qui est vraiment solide, c'est que la femme donne naissance à sa maîtresse direct, donne naissance à une fille récalcitrante qui maltraite sa mère, l'insulte, et il le traite d'esclave, et ça on le vit vraiment. Et Ibn Hazar il a dit, cet avis il est le plus acceptable, car à l'approche de l'heure, les valeurs vont s'inverser. À l'approche de l'heure, les valeurs vont s'inverser, le bien va devenir le mal, bid'a à la place de la sunna, etc. jusqu'au point de reprocher aux gens de la sunna d'appliquer la sunna. Donc, ça concernant ce signe-là, quand la femme esclave donne naissance à sa maîtresse, et que vous verrez de même, et que vous verrez de même les va-nu-pieds, ça c'est la suite, et que vous verrez de même les va-nu-pieds, les dépouillés, les parasites, les pauvres bergers devenir riches et se rivaliser à bâtir de grandes constructions. أنتر الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Quand tu verras les vanifiés, les déguenillés, les gueux, gardiens des bêtes se montrer chaque jour plus arrogants dans leur construction. Dans une version authentique, les vanifiés, gardiens de chameaux. Dans une autre, العريب, les bédouins. Comme l'Arab, l'Uraïb, les Bédouins. Ces gens-là, où ils, ça veut dire que les normes vont changer et ils vont être riches et ils vont être arrogants dans les constructions. Et ça, dans les constructions des grands immeubles, et ça, on le voit. Et le prophète, il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Le prophète, il dit « La taqoum as-sa'a hatta yakuna as'ad an-nasi bid-dunya lukka'u ibn lukka'a » rapporté par l'imam Ahmed, selon Hudayfa, l'heure n'arrive pas avant que le plus heureux de la vie d'ici-bas, ça veut dire les riches et tout, sera le vil fils du vil, ou l'insensé fils de l'insensé. Ça veut dire que les normes vont changer. L'homme qui n'a pas de valeur va parler dans les affaires des gens, et les gens qui ont de la valeur vont être humiliés, maltraités, emprisonnés, etc. Ce qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup de hadiths sur ça aussi, où le prophète sallam dit à la hadith que j'ai marqué ici, dans Mousnad l'imam Ahmed, que le prophète sallam a dit « Bayna yaday sa'a sinouna khadda'a » à l'approche de l'heure des années trompeuses. Ah. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب on approuvera le menteur ويكذب فيها الصادق et on démentira le véridique ويخون فيها الأمين et on traitera de traître le digne de confiance ويؤمن فيها الخائن et on fera confiance au traître وتنطق فيها الرويبدة et le رويبدة entre parenthèses on donnera la parole à Rouaybida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que Rouaybida a envoyé d'Allah? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'insensé, le vil, s'occupera des affaires des gens. On donnera le pouvoir à des gens vils, insensés, qui ne sont pas à la hauteur. Hadith sahih, dans Musnad l'imam Ahmed, selon Anas. Et c'est vraiment, c'est ce qui se passe actuellement. إذا وسد الأمر لغير إلى غير أهله فانتظر الساعة كما répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui lui a posé la question. Il dit quand on donne l'affaire à celui qui n'en est pas digne, ben attends l'avenir de l'heure, changement des valeurs, changement de tout. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam لا تقوم الساعة حتى يوضع الأخيار ويرفع الأسرار, l'heure n'arrivera pas avant qu'on fait qu'on va rabaisser, qu'on rabaisse les meilleurs gens, et qu'on va élever les mauvais. Donc ça concernant certains signes de l'heure, certains signes de l'heure. La suite du hadith. ثم انطلق مليا ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري ما السائل. Puis l'homme partit et je restais un certain temps. C'est Omar qui raconte la version de Muslim. Je restais un certain temps, 3 jours dans le tafsir, à ne rien demander sur cette affaire. Puis le messager d'Allah me dit, Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Je dis, Allah et son envoyé le savent mieux que moi. Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Dans une autre version, l'homme se leva et se retira. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ramenez-le-moi. Et ils le cherchaient. Les compagnons le cherchèrent partout, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils sont courus derrière lui pour le trouver, ils ne l'ont pas trouvé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui il est? C'est Jibril, venu vous apprendre votre religion. Prenez de lui, ça veut dire saisissez ce qu'il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est la première fois où j'ai eu du mal à le reconnaître. C'est la première fois où j'ai eu du mal à le reconnaître. Je m'en suis pas rendu compte qu'après qu'il s'est retiré. Donc même le professeur Salem ne le savait pas. Hein? Même le professeur Salem ne le savait pas jusqu'à la fin. D'accord? Et le fait que l'envoyé d'Allah informa Omar 3 jours plus tard, comment réunir entre les textes, entre le fait que le prophète sallam, quand il a dit ramenez-le-moi, que les compagnons sont revenus, qu'il leur a dit que c'est Jibril, et le fait qu'il a informé Omar 3 jours plus tard, on peut réunir les textes par le fait qu'Omar n'est pas revenu après quand il l'a cherché, mais il est rentré directement après chez lui, et 3 jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa. Donc, la leçon à retenir, poser des questions est un moyen de connaissance. Et on a dit que ce hadith, c'est la mère de la sunna. Hein? Donc, poser la question est un moyen de connaissance. Poser la question et poser la bonne question, c'est la moitié de la science, comme dit notre salaf. Hein? Poser les bonnes questions, la question comme il le faut, c'est la moitié de l'ilm. Parce que Jibril l'a posé, informe-moi sur l'iman, l'islam, informe-moi sur l'iman, informe-moi sur l'ihsan, hein, les signes de l'heure. Donc c'est des questions c'est des questions clés. Et on peut déduire autre chose, c'est le fait d'élever les constructions, élever plus que la normale et chose répréhensible. Parce que dans Sunan Abu Daoud, un Ansarit a bâti une sorte de dôme, une étage supérieure, au-dessus de sa maison. Et à chaque fois qu'il s'avance vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourne de lui. Jusqu'à ce qu'il a démoli ce surplus de sa maison. Donc il ne faut pas construire au-delà de nos moyens déjà et au-delà du nécessaire. Il ne faut pas concurrencer les autres à construire. Lui, il a fait 10 étages, moi je fais 11e étage, comme ce que font les gens actuellement. Hein? Il ne faut pas s'efforcer jusqu'à tomber dans des problèmes de crédit et d'être surendetté. Parce que notre salaf ne construisait que pas plus que le nécessaire. Maintenant, la majorité des gens, ils dépensent énormément d'argent dans les constructions, les décors, les salons style Louis XIV. La personne, disons, dans leur discussion, dans toute leur vie, ils ne parlent que des maisons, que de l'intérieur, que de... Toute sa vie s'est réduite à ça. À la maison, au problème des notaires, problème des... L'avocat, des problèmes sur ça, toute sa vie se réduit à ça. La concurrence dans la construction des maisons. C'est un signe de l'heure, subhanallah. Imaginez quelqu'un chez lui n'a pas peint les murs de sa maison. Tout le monde va se moquer de lui. Pourtant, c'est un surplus. Il n'a pas peint le... Subhanallah, il est dans l'abri, il est chez lui. Tout le monde va se moquer de lui. Peut-être ils vont le médire, peut-être ils vont dire... Il sort carrément de cette communauté. Il ne fait pas partie de nous. D'ailleurs, il est venu d'une autre planète. D'accord. Mais s'il met le parabole qui diffuse les films de perversité, les films qui démolissent l'honneur de la... démolissent la personne, ils démolissent son foyer, personne ne va s'étonner. Non, c'est bien, ils vont le féliciter, ils vont aller chez lui, ils vont... Les normes ont changé, subhanallah. Donc ça, c'est concernant ce hadith-là. Et maintenant, on rentre dans le troisième principe, à savoir la connaissance de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le troisième et le dernier principe. et on sait que l'acte n'est accepté que s'il requiert deux conditions, à savoir la sincérité et que l'acte doit être conforme à la sunna. L'acte, al-amal, n'est adoration, ibada, n'est considéré ibada que s'il requiert les deux conditions. La personne, quand il l'accomplit, doit être sincère, l'ikhlas. L'ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin al-uddin. Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et la deuxième chose, c'est l'acte doit être conforme à la sunnah. Ça veut dire qu'il est sous le jugement que le prophète sallam, il a agréé cet acte-là. Allah et son envoyé a agréé cet acte-là. D'accord ? Donc il doit être conforme à la sunnah. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Celui qui fait une œuvre qui est en dehors, qui n'est pas sous notre ordre, sous alayhi amruna, qui n'obéit pas à notre ordre, et cette œuvre est à rejeter. Peu importe cet acte-là, même si la personne est sincère, même s'il pleure quand il accomplit cet acte-là, ce n'est pas conforme à la sunna, est à rejeter, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah, on a fait la sira où on a parlé suffisamment de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, à la Mecque, à l'Égypte, la prise de la Mecque, les différentes batailles, etc. etc. Donc, dans la sunna réside la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed. Et le loué, ça veut dire Mohammed loué. Loué par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi Ahmed. Il s'appelle Ahmed. Et il dit à Isa ibn Maryama, « Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di, ismuhu Ahmed. » Comme dans sourate Saff. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Donc parmi ces noms, c'est Ahmed. Parmi ces noms, c'est le Mahi, dans la sunna du prophète, le Mahi, l'effaceur, ça veut dire il efface shirk, et les fausses croyances. L'hashir, ça veut dire que le jour de la résurrection, il aura la grande intercession. Il va intercéder auprès des croyants, auprès des gens pour être jugé et intercéder auprès des croyants de sa communauté. Et l'aqib, c'est un autre nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le dernier prophète. L'khatim aussi. L'khatim aussi, c'est le sceau des prophètes. Al-muqaffi, ça veut dire aussi le dernier. Et Nabi al-Rahma ou al-Malhama, le prophète de la miséricorde. Et Nabi al-Tawba aussi, le prophète du repentir. Et d'autres noms ont été évoqués, on les voit dans certains livres, mais ce ne sont pas les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses qualités et non pas ses noms. Et les noms Yassin et Taha, ce ne sont pas des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on n'a aucune preuve là-dessus. Wallahu a'lam. Et son surnom, c'est Abu al-Qasim. Dans le hadith, sahih, Abu al-Qasim, le prophète sallam a dit, n'adoptez pas mon surnom, mais adoptez mon nom. La personne ne doit pas s'appeler Abu al-Qasim, Muhammad Abu al-Qasim, mais il doit prendre le nom du prophète sallam, Muhammad. D'accord ? Et qui l'a nommé ? C'est Abd al-Muttalib, son grand-père. Par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait que Abd al-Muttalib, et on a parlé de l'histoire de comment son grand-père il l'a nommé. Revenez à la sira et vous allez la trouver. Il est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Fils de Abdullah. Abd al-Muttalib, il s'appelle comment? Shaiba. On a fait ça dans la sira. Et pourquoi il a été nommé Abd al-Muttalib? On a même parlé de ça. C'est il a vécu avec ses oncles maternels à Médine, Ben al-Najjar. Et quand son père est mort, son oncle Al-Muttalib est allé le récupérer. Et quand il est rentré à la Mecque, il l'a mis derrière lui sur le chameau. Et les gens étaient habitués à l'esclavage et tout. Et ils ont vu Al-Muttalib prendre avec lui un enfant. Ils ont dit, il a acheté un esclave et ils l'ont appelé Abd Al-Muttalib. Abd al-Muttalib, serviteur de Al-Muttalib. Et c'est pour ça qu'il fut appelé Abd al-Muttalib. Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler du reste sur la connaissance de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.